بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وسلم وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا أما بعد Donc là, ces jours-ci, Bismillah Ta'ala, après avoir vu ce qui s'est déroulé ces derniers jours comme visite du pape aux Émirats avec le cheikh qui s'appelle Ahmed Al-Tayyib, ayant conclu un pacte de fraternité humaine entre les chrétiens et les musulmans, qui est cet appel de Wahdatul Adyan, qui est l'appel de l'unité des religions, entre les religions. Et, Kazanouik, les juifs rentrent dedans, même s'ils ne sont pas, ils n'ont pas été nommés, mais cela revient à cela. Et que cette darwa, cet appel à l'unité des religions, date d'un bon moment, et est très très fréquente, surtout dans les pays des koufars, des mécréants, qui eux, n'ont que au principal but que d'éteindre la religion d'Allah Azza wa Jal. Yuridun an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaballahu illa yutima nurahu wa law kariha al-kafirun. Qui veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais que Allah lui a décidé que sa religion sera complétée, établie et instaurée, n'en déplaise aux mécréants. Donc il vient avec plein de procédés différents, et parmi ces procédés-là, le fait de se rapprocher entre gens de religion monothéiste, prétendent-ils. Donc, à savoir également que cet homme, Ahmed Tayyib, est loin d'être un sunni, et comme l'a dit notre cher Abdelhamid Hadjouri, il est au minimum un soufi maturidi, à la croyance déviée. C'est le minimum qu'on peut dire pour lui. Et qu'il est parmi les hommes les plus acharnés à vouloir combattre la darwa salafia, et tentant de la faire passer pour étant une darwa d'extrémiste, et voire même terroriste, chose qui est un pur mensonge. Et tu ne trouveras pas ces gens qui veulent se rapprocher des juifs et des chrétiens sans qu'ils le détestent les salafis et les sunnis. Ça, c'est une chose qui est évidente. Et quant à l'appellation qu'ils se donnent comme étant sunni, elle est mensongère. Car pour eux, sunni, c'est tout ce qui n'est pas chiite. On dit sunni, nous, c'est tout ce qui, personne qui suit la sunna, comme encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'alikum bi sunnati wa sunnat al-khurafa rachid al-mahdiyin raddu ali bin nawajid. Accrochez-vous à ma sunna, ainsi qu'à celle des califs bien guidés et mordez-y avec les molaires. Voilà qui est le sunni. Et celui qui suit la sunna. Combien de gens ne sont pas des chiites et pourtant sont des égarés, des innovateurs? Naam. Donc après que notre chir, Abdelhamid Hadjouri, ait fait une kalima, allocution par rapport à cet événement, pour blâmer, dire que l'islam, les muslimouns, haqqan, bura'a min hadha adil wa fiqa. Ils sont innocents de ce pacte, qu'il ait lieu. D'accord? Et dans cela, il expliquait de quelle manière doit se dérouler l'appel, car les gens du livre ont droit à l'appel à l'islam, bien évidemment. Eux et autres. Tout le monde y a droit. Mais Allah Azza wa Jalla nous a expliqué comment les appeler à l'islam. D'accord? Quelles sont les normes légiférées pour appeler les gens du livre à l'islam? Ça ne se fait pas n'importe comment. Et dans n'importe quelles conditions. Et de là, lors de son allocution, il a cité qu'il avait écrit un livre auparavant, qui s'appelle justement Az-Zajr wal-Bayan, l'idu'at al-Hiwar wa Takarub bin al-Adiyan. Et dans lequel il réprimande justement ce qui appelle à cette chose-là, ce phénomène qui est le rapprochement et l'unité des religions. Et en citant les chapitres de son livre, cela m'a interpellé, car dedans, il cita un chapitre particulier dans lequel il cita en fin de livre les méfaits, tout ce qui en découle comme chose qui amène à dénaturer et à déformer notre religion, qui s'oppose à ces règles, en allant plus loin que ce qu'on peut concevoir, encore. C'est-à-dire, pour réaliser comment ça va loin, cet appel. Pour des gens qui se disent musulmans, qu'il aurait inconcevable d'appeler à cela, car eux ne voient que vouloir, mesdames, être en paix avec les gens du livre, mais cet appel a des conséquences néfastes sur la religion, sur beaucoup de points qu'eux ne réalisent pas, ou peut-être qu'ils réalisent, ils le font exprès, car beaucoup d'entre eux, on sait que leur but est de détruire cette religion de son intérieur, par ce genre de procédé. Il faut savoir une chose, que l'imam Mohammed Ibn Abdul Wahhab al-Najdi, dans son livre Nawaqid al-Islam, qui sont les annulatifs de l'islam, a cité parmi eux, parmi ces 10 annulatifs qu'il a cités, sur lesquels il y a unanimité des gens de l'islam, parmi eux, Man lam yukaffir al-kafir wa sahaha madhhaba. Celui qui ne rend pas mécréant le mécréant, d'accord, et en même temps qui voit que la voie qu'il suit est correcte, est valide. Et ce chapitre-là, ou plutôt ce naqid-là, vise particulièrement les mécréants d'origine. Ce dont la mécréance est claire, wadiha, citée dans le Coran, dans la Sunna, sur laquelle il n'y a pas de divergence. Contrairement à un qui aurait apostasié, ou un qui aurait laissé la salat, ou un qui aurait fait telle et telle chose, là, il parle du mécréant de base. Le mécréant de base. Comme c'est le cas des juifs et des chrétiens. Donc, lorsqu'il a cité ces chapitres-là, ça m'a interpellé et ça m'a motivé à les traduire, car c'est une chose qui est, j'estime, qui est, yajib à la du'at fi bilad al-kufr an yurakkizu ala hadhihi an-nuqat wa an yad'u wa an yubayyinu lin-nas khatar hadhihi ad-da'awat al-batila kadhiba. Dans un pays comme en France, où les gens vivent au milieu des mécréants, donc ils sont affaiblis, ils sont exposés à entendre ce genre de choses, d'ambiguïté, et il y a un bon nombre de prédicateurs qui appellent à cela. Et malheureusement, les frères affiliés à la salafia en France ne s'engagent pas à ouvrir ce genre de discours ouvertement. On sait que les lois ne leur permettent pas de le faire. Il est impossible en France que tu montes sur le minbar, où tu fasses une muhadara, ou toute chose en public dans laquelle tu viendrais à dénigrer les juifs et les chrétiens et autres parmi les mécréants. Cela n'est pas toléré. Donc cela mène à quoi? À restreindre le prédicateur dans sa da'wa. Alors qu'à la base, les ulama ont permis aux prédicateurs de rester en France, ou en Amérique, ou en Angleterre, dans les pays de mécréance, pour ceux qui ne peuvent l'appliquer et pour qui la hijra est obligatoire, qu'en condition qu'ils fassent la da'wa qu'ils appellent à l'islam purement et au tawhid, et qui sont en mesure de faire face aux koufars et de leur dire en face qu'ils sont des mécréants, et le désavouer et les blâmer pour ce qu'ils font. Est-ce qu'en France ils le font? Sûrement pas. Ils ne peuvent le faire, ils ne sauraient le faire. Et combien même cela serait toléré, beaucoup d'entre eux n'auraient pas la force de le faire. Donc là, c'est un grand manquement dans leur travail. Et pour cela, tu vois les gens parmi les zanadiqa et les munafiqin et autres parmi les gens du Batil qui s'apparentent à l'islam, profiter justement du champ libre pour pouvoir propager les ambiguïtés, comme on l'entend chez beaucoup d'entre eux, comme l'Ikhwan, qui disent que les chrétiens et les juifs sont nos frères, ou comme certains individus comme Rachid El-Jaï, qui appellent à se rapprocher des juifs et des chrétiens, de ne pas avoir la haine contre eux, ou comme d'autres comme ce Ousmane Timéra, ce Malien, qui appellent à cela également, et ils sont bien nombreux, bien nombreux, bien nombreux. Ils parlent lors des congrès, lors des conférences, ils font des vidéos sur YouTube, ils font des comptes Twitter, ils font des pages Facebook, ils font tout cela. Et les prédicateurs salafis se restreignent à faire des cours. On ne dit pas qu'ils ne servent à rien, ils sont bénéfiques, mais ne font pas parmi les choses les plus importantes qui est de faire face à ce genre de choses. Celles-ci et d'autres, comme la démocratie, démontrent aux gens qu'est-ce qu'elle est, sa mécréance. Ils mettent en garde contre elle, et beaucoup de choses de turpitude qui ont lieu en France. Ils ne peuvent parler dessus. Ils ne peuvent parler dessus. Donc on s'est dit, si nous qui sommes à l'extérieur du pays, nous ne le faisons pas, qui est-ce qui va le faire? Hada, Farakifa'i, c'est une obligation commune, c'est-à-dire si certains le font, elle tombe pour d'autres. Mais à la base, ceux qui sont sur place sont Aoulé, min hada al-amel, car ils sont sur place. Donc ils auront plus d'impact dans leurs paroles. Mais ils n'auront pas, on va dire, cet accord d'homme, comme on dirait, le fait d'aller de l'avant pour le faire. C'est-à-dire qu'on risque de les priver de faire da'wah dans leur mosquée, et ça a déjà été fait pour moins que ça. Pour moins que ça, certains sont vus leur mosquée fermée et eux privés de pouvoir parler en public et certains même menacés d'expulsion ou d'autres ont été expulsés. On les accuse d'appeler à la haine. Et eux, au lieu de dire oui, notre religion nous appelle à nous désavouer, ils disent non, on n'appelle pas à cela, et ils commencent à trouver un discours de concession. Il faut leur dire non, notre religion appelle à avoir la haine envers les mécréants. Cependant, cette haine, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle ne veut pas dire qu'on est injuste envers eux et qu'on les laisse dans leurs droits. Mais dans nos cœurs, on ne vous aime pas. Et qu'on n'appelle pas les gens à vous aimer. Mais votre droit, on va vous le rendre. Et malgré cette haine, on veut votre bien car on vous appelle à l'islam. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله qui est donc et de meilleure parole que celui qui appelle à Allah et qui dit je suis donc des musulmans. Donc ça c'est la meilleure parole qui est, c'est appeler Allah Azzawajal, mais le faire clairement. Le faire clairement. Et cela demande du courage, bien évidemment. Et celui qui n'a pas la force de le faire, qui n'a pas le courage, قال تعالى قلنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. Où étiez-vous dans votre religion sur terre? Ils diront, nous étions des affaiblis. Hazat, yantabik tamaman. Tu es en France, pays dont la jira est obligatoire pour celui qui n'est pas malade ou qui n'a pas une excuse qui le retienne là-bas et qui a les moyens de partir. Et toi, tu dis, je reste pour faire da'wah et ces points-là, tu n'arrives pas à les évoquer. Est-ce que le da'i pense qu'il sera à l'abri de ce genre de verset? Car il dit, je suis resté pour cette chose-là pour faire la da'wah. Alors fais-la la da'wah. Fais-la. Et tu ne peux pas la faire, pas. Et tu peux la faire de loin. On sait sans aucun doute que la da'wah sur place a plus d'impact. Mais à savoir que leur impact que tu as eu sur toi aussi est beaucoup plus forte. Et que cette da'wah-là doit être faite selon les règles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des chapitres qu'il faut aborder, qu'il faut apprendre et aborder et expliquer aux gens. Wallah al-musta'an. Donc mon but en cela sera de rentrer dans les points précis qu'il cite à la fin, en citant le titre, en le traduisant, en donnant le dalil qui va avec. Et s'il y a plusieurs adillets, on se contente d'en citer un ou deux pour que ce soit résumé. Et s'il y a un exemple à donner, un commentaire à faire, bismillah ta'ala, on le fera. Car ça, c'est une chose qui est primordiale et obligatoire à faire pour ceux qui vivent en pays de mécréants. Déjà, même ceux qui vivent en pays d'islam doivent le savoir, car parmi eux, certains sont touchés par cela. Mais ceux qui sont en pays de mécréants sont encore plus à même d'être touchés par ce genre d'ambiguïté. Surtout les débutants, nouveaux convertis, ou les awam qui ne connaissent pas trop les choses de la aqidah, ils vont y croire. Et on le voit aujourd'hui, ils y croient. On entend plein de gens dire que les chrétiens et les juifs ne sont pas des mécréants. Wal'a'adhu billah. Donc, ça c'est un point important. Et là, nafkur, que Allah Azzawajal, le musulman, lit au minimum 17 fois par jour Al-Fatiha, dans laquelle on dit Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dhallin. On dit guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits, et non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Et dans le tafsir d'Al-Fatiha, tu trouveras unanimité que ceux qui sont égarés sont les chrétiens et ceux qui ont couru la colère sont les juifs. Dans le Fatiha, on demande à Allah Azzawajal de ne pas être sur leur voie. Et après cela, on dit qu'ils sont nos frères. Également, parmi les sourates les plus courtes dans le Coran, probablement la plus courte après Al-Kawthar, celle que quasiment je pense que tout musulman dit de ce nom connaît, et même les enfants, c'est sourate Al-Ikhlas. Comme a dit Allah Azzawajal, « Qul huwa Allahu ahad » dit il est Allah l'unique, Allahu Samad, celui qui n'a pas de cavité selon un tafsir, et dans un autre tafsir, celui qui est le seul à répondre à nos invocations. Les chrétiens, ils invoquent qui? Ils invoquent Isa. Et parmi eux, c'est toi qui invoques sa mère, Mariam. Les juifs invoquent Uzair. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Les chrétiens disent quoi? Que Allah Azzawajal a un fils. Et que ce fils a une mère, qui est Maryam. Et ils disent que même ce fils est Allah. Et ils disent que Maryam est la mère d'Allah, la mère de Dieu, comme ils le disent. Donc là encore, l'ikhlas, elle toute seule suffit à démentir cela. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. et rien ne lui est égal. Et ils ont attribué des attributs divins à Aïssa et même à sa mère. Il y en a certains qui ont une prière qui s'appelle le « Je vous salue Marie », dans laquelle ils invoquent Mariam. Donc cette simple sourate, aussi courte soit-elle dans son apparence, pour ceux qui ne méditent pas ses sens, quand je dis simple dans le sens, dans le fait qu'elle est abordable pour tout le monde dans, la mémo, dans sa mémorisation et dans les compréhensions de ses bases, ils la récitent, et malgré cela, ils vont te dire que les chrétiens sont nos frères. Alors que cela amène à démentir le Coran, et démentir le Coran, qui est la parole d'Allah Azzawajal, celui qu'on adore, qu'on dit adorer, celui dont on dit « La ilaha illallah », à quoi cela ? On dément ses paroles dans son livre. Wa qala ta'ala, wa man asdaqa minallahi qila. Et qui peut véridique en parole que Allah? Wa man asdaqa minallahi haditha, également. On dit le Coran, c'est la parole d'Allah, il va dire oui, j'y crois. Dans le Coran, Allah il dit telle chose. Pourquoi tu n'appliques pas? Tu n'agis pas en conséquence. Wa qala ta'ala, laqad kafara allazina qalu inna Allah thalithu thalatha. Que Allah a dit, certes, on mécru ceux qui ont dit que Allah est le troisième des trois. Que disent les chrétiens? C'est quoi leur dogme principal? De dire qu'il y a le Dieu, le Père, le Fils qui est Issa, le Saint-Esprit qui est Jibril. Ils ont mis quoi? Allah comme étant le troisième des trois. Allah dit, la côte kafara, ils ont certes mécru. Et oui, ils vont te dire, non, les chrétiens sont nos frères, sont les croyants. Wa qala ta'ala, wa qala til yahoud, Uzayr ibn Allah, wa qala til nasara, al-Masih ibn Allah. Les juifs vous disent que Uzayr est le fils d'Allah. Et les chrétiens vous disent que Issa est le fils d'Allah, Jésus, comme ils l'appellent. Ils prennent la parole de ceux qui ont mécru avant eux. Et ils ont pris leurs prêtres et leurs moines et leurs rabbins plutôt en tant que seigneurs en dehors d'Allah. Subhanahu amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Naam. Et pourtant, il leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité. La ilaha illallah. Gloire à lui qui soit plus haut de ce qu'ils lui ont associé. Allah dit bien qu'ils lui ont associé. Wa qala ta'ala ba'da Adam, parlant d'eux, yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, en parlant des juifs et des chrétiens. Wa yaballahu illa yutima nurahu wa law kariha al-kafirun. Et que Allah veut accomplir son ordre, c'est-à-dire sa religion, et que cela va arriver, n'en déplaise aux mécréants. Ce mot mécréant revient à qui? Aux juifs et aux chrétiens. Wa qala ta'ala, laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa Isa ibn Maryam. Certes, on mécrit ceux qui ont dit que Allah c'est le fils de Maryam, c'est Isa ibn Maryam, le fils de Maryam. Et autres parmi les versets. Wa qala ta'ala, inna dina 'inda Allah l'islam. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. Que Allah dit, certes, la religion près de lui, c'est l'islam. Et ceux qui ont lu le livre avant vous n'ont pas divergé, ce n'est qu'après que leur soit venue la science entre eux. Et celui qui mécroit au verset d'Allah, Allah est prompt à amener le châtiment. Donc Allah dit bien que celui qui dément les versets d'Allah, il aura mécru. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils les démentent. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Car là, dans le sens, il dit, dites, en parlant aux croyants, nous avons cru en Allah et en ce qu'il a fait descendre sur nous, ce qu'il a fait descendre sur Ibrahim, sur Ismaïl, sur Ishaq, sur Yaqub, sur les tribus. Et ce qui a été donné à Moussa ainsi qu'à Issa, ce qui est donné à tous les prophètes de leur Seigneur, nous ne divisons entre aucun d'entre eux. Car nous sommes soumis. Thumma qala fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Et s'ils croient, c'est-à-dire les autres, lorsque vous avez cru, ils seront guidés. Donc ne différencie pas entre les prophètes, comme eux le font. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Et que si jamais ils se détournent, ils seront justement dans la scission. D'entre vous ne sont pas avec vous, ne sont pas des vôtres. Wa qala ta'ala, qul amanna billahi wa manzila alayna wa manzila ala Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub al-Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa an-nabiyyun min rabbihim. La nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Le même verset dans le sens approximativement. Thumma zada Allah ta'ala, ومن يبتغي غير الإسلام غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et que celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui et sera dans l'au-delà parmi le nombre de perdants. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ونؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Approximativement, si je ne suis pas dans le sens du verset, dans le sillac du verset, celui qui est dans le sourate An-Nisa. Lorsque Allah dans son sens, il dit bien que ceux qui ont mécru en Allah et en ses messagers et qui veulent séparer entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains et nous croyons en d'autres et qui veulent prendre en cela une voie intermédiaire, ceux-là sont réellement les mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Combien de preuves amènent dans le Coran qui sont claires et limpides à se désavouer de ces gens-là, à les rendre mécréants purement, et après des gens vont vous dire, ils sont nos frères. La ilaha illallah. Inna hada la burtanun azim. Inna hada la burtanun azim. Donc de là, par la suite, nous rentrerons dans ces points en montrant que cela va encore plus loin que ces points-là, que cela vient à annuler des rites et des règles qu'Allah Azza wa Jal a établi dans son livre. Donc là, c'était la muqaddima par rapport à le but, l'objectif de ces durus, qui seront, en dehors de cette muqaddima qui était un peu plus longue que la norme, qui seront plus courts, bismillah, on l'espère. De toute façon, c'est important à savoir, même si ça devient un peu long. Et celui qui veut la guider, et la recherche fait les causes, Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, lui accordera. Par rapport à cela. Fabien, Hadal Qadr ibn Aktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.